Thank you. C'est quoi? Ah, Dorian, c'est du la? La? Je comprends rien. Dorian? Oui, mais Dorian, c'est le nom de la gamme? Thank you. la case en là, ouais, j'ai compris. Comme ça. Ça sonne comme ça. faire du zouk avec ça. Saka zouké, saka niqué toute la soirée. It's raining again. Oh Lord, my life's at an end. I know it's raining again. Oh Lord, my life's at an end. Oh, I know.